Premier livre de Samuel, chapitre 29. Or les Philistins assemblèrent toutes leurs armées à Aphek, et les Israélites étaient campés près de la fontaine de Jizréel. Et les gouverneurs des Philistins passèrent par leurs centaines et par leurs milliers, et David et ses gens passèrent sur l'arrière-garde avec Aki. Et les chefs des Philistins dirent, « Qu'est-ce que ces Hébreux-là ? » Et Aki répondit au chef des Philistins, « N'est-ce pas ici ce David, serviteur de Saül roi d'Israël, qui a déjà été avec moi quelque temps, même quelques années, et je n'ai rien trouvé à redire en lui depuis le jour qu'il s'est rendu à moi, jusqu'à ce jour. » Mais les chefs des Philistins se mirent en colère contre lui, et lui dirent, « Renvoie cet homme, et qu'il s'en retourne dans le lieu où tu l'as établi, et qu'il ne descende point avec nous dans la bataille, de peur qu'il ne se tourne contre nous dans la bataille, car comment pourrait-il se remettre en grâce avec son Seigneur, ne serait-ce pas par le moyen des têtes de ces hommes-ci ? N'est-ce pas ici ce David, duquel on s'entre-répondait aux danses, en disant, « Saül en a frappé 6 000 et David 10 000 ?» À qui donc appela David, et lui dit, « L'Éternel est vivant, que tu es certainement un homme droit, et que ta conduite au camp m'a paru bonne, car je n'ai point trouvé de mal en toi, depuis le jour que tu es venu à moi jusqu'à ce jour, mais tu ne plais point au gouverneur. Maintenant donc retourne-t'en, et t'en vas en paix, afin que tu ne fasses aucune chose, qui déplaise au gouverneur des Philistins. » Et David dit à Aki, « Mais qu'ai-je fait, et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis le jour que j'ai été avec toi jusqu'à ce jour, que je n'aille point combattre contre les ennemis du roi mon seigneur ?» Et Aki répondit et dit à David, « Je le sais, car tu es agréable à mes yeux, comme un ange de Dieu, mais c'est seulement que les chefs des Philistins ont dit, « Il ne montera point avec nous dans la bataille. » C'est pourquoi lève-toi de bon matin, avec les serviteurs de ton Seigneur qui sont venus avec toi, et étant levés de bon matin, sitôt que vous verrez le jour, allez-vous-en. » Ainsi David se leva de bon matin, lui et ses gens, pour partir dès le matin, et s'en retourner au pays des Philistins, mais les Philistins montèrent à Jizréel.